C'était Lâcher, c'est Turn It Around qui nous a quitté après 6 semaines seulement dans les palmarès. C'était ma préférée dans le groupe des 5 dans Palmarès In Peace.